On va parler avec de la NFL avec Tony Guzzo. Salut Tony! Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. À part un petit accident, comme je te disais avant de rentrer en onde. Ouais. Il Ben est oui. tombé dans la douche, puis m'a ramassé à l'hôpital, à l'ambulance. Mais tout est correct. Par exemple, aujourd'hui, là, ça va mieux. C'est ça qui est important. Ouais. Tony, on va y aller avec les matchs. Pas les matchs, mais la semaine passée. Ça fait combien de temps que tu suis la NFL, toi? Depuis début 80, on C'est-tu va dire là? 83, Ouais, pas mal, j'ai on est pas mal les mêmes commencé. années. Pas mal les mêmes années. Ouais, On a c'est la même ça. âge, puis c'est pas mal les mêmes années. Moi, Ouais, c'est j'avais ça. commencé avec Raymond Lebrun et Jean Séguin à l'époque de Radio-Canada, C'est ça. mais c'est parce que, honnêtement, là, je peux pas dire que c'est le meilleur match. Là. Tout le monde dit que c'est le meilleur match de l'histoire des séries éliminatoires. C'est parce que quelque part, on se rappelle pas des autres, là. Sauf que c'est le meilleur week-end de football, sûr et certain, là. Oui, c'est le meilleur week-end. Je te dirais, le fameux match des Chiefs, là, je te dirais peut-être le meilleur des 5-10 dernières années. Là. Tu sais, je pense là, Ben moi, je pense faut que c'est sûr que je ça suis fait longtemps vendu, qu'on n'a là, pas. mais les Ouais. Pats contre les Falcons, c'était bon maudit, là. T'sais, c'est pas Ouais, beau. ouais, Ouais. ouais. C'est sûr que je suis vendu, là. Mais je veux dire, tu sais, il y a eu. Ben, ça a une différente histoire ou, comment on dit ça, fin pour les Pats et les Falcons, c'est une méchante remontée, tandis que les Chiefs et les Bills, c'était comme un aller, un retour, puis ça a été quand même les dernières minutes aussi excitantes, là. Fait que c'était comme un back and forth, comme on dit en anglais, le match, là. Mais ouais, ça a eu un autre dénouement, je te dirais, Pats-Falcons, parce que. On pensait que c'était fini, puis là, c'est la remontée quasiment du siècle. Ouais. Mais je comprends, oui, ça a différentes formes d'excitation ou de résultats de Hey, matchs quand tu dis intéressants, que. comme on dit. Mais ça, c'est sûr et certain que c'est le meilleur week-end de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Oui. Écoute, t'as quatre. Trois des quatre matchs s'en va finir sur le dernier jeu du match. Et le quatrième match s'en va en prolongation. Tu peux pas avoir mieux que ça, Ouais. là. Le C'est meilleur week-end, puis même de plus en plus, on va dire, t'en souviens-tu, avant qu'on rajoute le septième match l'année passée, Ouais. donc c'est notre deuxième saison. Avant, c'était pas mal le week-end des wild cards, mais là, je te dirais Ouais, que non, là, on l'a c'est plus plus. le Non. week-end des wild cards, c'est plus cette série-là de division, comme on dit, là, les demi-finales d'association. Mais je pense que ce week-end aussi, on risque d'avoir quelque chose ça va être des matchs intéressants, je le souhaite, là. Mais à moins qu'on ait trop fatigué ou excité du dernier week-end, que peut-être ça va être à sens unique, mais je pense pas. Je pense qu'on va connaître deux bons matchs en On fin va de en journée. reparler en fin Oui. de. Ça va être notre dernier sujet. Écoute, je veux te parler d'abord les. Est-ce que tu penses. Big Ben a annoncé sa retraite, c'est pas vraiment une surprise, là. On en a parlé en masse. Est-ce que Bradshaw ou Big Ben, mais reste que c'est quand même une page d'histoire qui se tourne pour les Steelers. Il y a un corps qui va probablement être à Canton, Ohio, dès sa première année d'éligibilité. Tout à fait. Assez rapidement au temps de la Ouais. renommée, parce que 12 fois dans les playoffs, il n'y a jamais eu une saison perdante. Non. Puis lui, il a eu top 10 dans les plus de verges aériennes, le plus de Ah. passes de toucher. Donc, ça a été, puis ça a été la question aussi de la semaine, hein, parce qu'il a sorti 11e, 11e au 2004 Ouais. après. Je pense que c'était après Eli Eli Manning, Manning Philip puis Philip Rivers. Rivers. Eli Puis Manning, là, Philip Rivers, oui. la question qui pose, qui demande, c'est que lequel des trois? Moi, je trouve que Big Ben a été celui qui a été le plus constant. Ouais, Je pense que ouais. le résultat était là. Il a connu peut-être, mais tu sais, Eli Manning, à part de ses deux Super Bowls, Non. ça a été vraiment up and down. Philip Rivers a vraiment pas gagné le Super Bowl comme tel. Donc, je te dirais que Big Ben, puis le fait d'avoir joué dans la même ville, dans la même équipe aussi, c'est quelque chose de spécial. Ouais. Puis il a peut-être joué une saison de plus, mais encore là, il est allé faire les séries, là. Ouais, c'est ça. Les Broncos de Denver ont un nouvel entraîneur-chef, sont allés chez les Packers de Green Bay en allemand, le coordonnateur d'attaque Nathaniel Hackett. Écoute, les Packers, écoute, c'est souvent ça, hein, lorsque tu as un entraîneur une organisation gagnante, les Packers, les équipes vont souvent aller chercher le coordonnateur d'attaque et le coordonnateur défensif. Es-tu surpris quand même que le nombre. Il est souvent mentionné, mais Bartini à Kansas City. Bien-Aimé. Bien-Aimé, oui. Il est souvent mentionné, mais il n'est pas confirmé. Hein? Puis, c'est spécial son cas à lui. Une équipe comme les Jaguars de Jacksonville là, qui ont nommé Byron Leftwich. Et pas mauvais cas, mais c'est parce que tu sens que tu aurais pu y aller de ce côté-là. Mais je me demande ça aussi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en arrière par rapport à Bien-Aimé. Premièrement, c'est un coach de couleur de race noire. Tu penses-tu donc, que ça dérange? Non, je ne pense pas que ça dérange. Non, je ne dis pas que ça dérange, mais il est toujours. Est-ce qu'il est vacciné? C'est la question. Ben, ça pourrait pas là, Danny. Hein? J'ai ouvert une porte, j'ai pas été là, okay. Je m'en vais pas là. La seule affaire, c'est que le Rooney Rule, c'est qu'il faut que tu interviews des coachs, des entraîneurs de minorité. Mais Bien-Aimé, j'ai l'impression, puis là, on l'a vu avec les Cowboys à la dernière minute, je pense qu'il est bien avec Andy Reid. Puis je pense qu'Andy Reid fait beaucoup pour le garder aussi. Ouais. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis j'ai toujours dit, puis je veux pas m'en aller là parce que je le connais pas, on l'a pas vu encore comme entraîneur-chef, mais j'ai toujours dit, ça veut pas dire que tu es un excellent coordonnateur, que tu sois un excellent entraîneur-chef. Non, parlez-en à plusieurs. Dans tous les sports aussi. Non, mais surtout dans le football, là, écoute bien. Mais pour venir à Denver, très bon choix. Et là, les rumeurs partent parce que là, on ne sait pas le futur d'Aaron Rodgers et même Devante Adams. En tout cas, la machine à rumeurs a sorti depuis dimanche, là, surtout. Là, mais on va y aller un jour à la fois. Mais j'ai hâte de voir parce que Hackett aussi il était très convoité pendant des années. Ouais. Son nom sortait à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, j'ai hâte de le voir. Puis Denver a toujours été reconnu pour aller chercher des entraîneurs défensifs. Okay. Et là, pour une première fois. Puis moi, je suis d'accord avec ça parce que de plus en plus, on a besoin vraiment d'un bon, d'une tête plus agressive, plus créative à l'attaque qu'au niveau défensif. Moi, je pense que les équipes, on mentionne, dans le cas d'Aaron Rodgers, on mentionne Green Bay, on mentionne Denver, on mentionne Pittsburgh. Faut pas oublier les Titans du Tennessee également. Moi, je suis pas les Titans du Tennessee, ça va prendre un meilleur corps pour que Danny Hill. On n'a pas fait de débat, mais moi, je crois énormément. Puis là, de plus en plus, on est un peu tanné d'Aaron Rodgers avec ses romans savants, ses déclarations. C'est une diva, là, mais je voulais juste terminer. C'est un gars qui veut. Il veut pas sortir. Je pense que c'est un gars qui aime ça, rester dans sa zone de confort. Puis veut pas, dans sa division, elle est tellement facile. Je le vois pas aller à Denver pour affronter deux fois Mahomes. Deux fois Herbert. Je le vois même pas dans les Steelers aussi, non. Non. Je le vois pas. C'est un gars que soit qu'il va prendre sa retraite ou il reste à Green Bay. Cette victoire, j'écoutais le podcast de Stéphane Cadorette et Jean ouais. Carrier. Ouais. Depuis qu'il a gagné le Super Bowl, Rodgers joue même pas pour 500. Non. Cette victoire, 9 défaites. Puis il y a eu des équipes pour s'en au Super Bowl, là, pour en gagner. Là. On parle beaucoup de Peyton Manning comme un choker, mais Aaron Rodgers va falloir commencer à en parler, là. Puis on commence à vraiment douter aussi de ses capacités dans le sens que, oui, pendant la saison, il joue très bien, mais t'as-tu remarqué, quand il y a de la pression en série, il fait pas confiance, il fait seulement confiance à Davante Adams. Le reste de l'équipe, il la regarde même pas, c'est vraiment une tête dure, ce Roger-là, de plus en plus, puis on dirait qu'on a vu beaucoup de lui de ce côté-là cette année, parce que moi, je le trouvais quand même très fort, mais là, cette année, je pense que même il y a un commentateur aux États-Unis, il a dit « Ah, qui s'en est, là? Je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, là, dans le sens que arrête de faire tes déclarations, puis performe sur le terrain, parce que... » Mais les Packers ont 46 millions sur la masse salariale de trop pour l'an prochain, donc moi, je pense qu'il va partir de Green Bay, parce qu'ils ont 46 millions de trop, puis Jordan Love aussi, là. Oui. Puis, non, mais je dis ça parce que je me suis dit, peut-être, je sais pas, parce que peut-être il réalise que lui aussi, il est pas capable de gagner ce gros match-là, puis tout ça, mais vraiment, là, quand tu veux t'en aller, là, puis en tout cas, tu serais à sa place, tu t'en irais-tu à Denver pour jouer deux fois Mahomes, puis deux fois Herbert, puis même les Raiders. Ben moi, les Titans du Tennessee, je trouve pas ça mauvais, moi. Ben, ouais, mais en tout cas, j'ai... Il lui manque un carrière, parce que clairement, c'est pas Ryan Tannehill qui... Quand ton équipe gagne, fait 9 sacs du corps, puis il gagne pas le match, ouais. Là, c'est assez spécial. Tom Brady, est-ce que Tom Brady s'en va? En tout cas, tu l'écoutes parler dans des podcasts un peu plus sérieux. Podcast avec Jim Gray, là, c'est pas? Oui, oui. Okay. Là, il parle beaucoup de sa famille. Il n'y a plus rien à prouver, honnêtement. Non, mais c'est ça, exactement. Puis, il a réussi, je pense qu'il faut y donner, là, le fait de sortir après 20 ans, New England, qu'est-ce qu'il a réussi. Mais je pense qu'il s'ennuie aussi de la structure des Patriots, je pense. Puis la façon que l'équipe gère, parce que les Buccaneers, c'est un peu... c'est pas l'amour fou entre lui et Arians non plus. Les joueurs sont laissés un peu plus aller. Tu sais, je veux dire, donc il y a eu beaucoup... Cette année, il y a eu un petit peu de distraction. Tu sais, il y a eu le cas d'Antonio Brown. Tu sais, des affaires de même. Surtout qu'il y a 26 joueurs autonomes. Qui est du côté des Packers. Oui, puis eux autres aussi, j'ai hâte de voir. Je te dirais, je ne sais pas si c'est avec toi, Danny, qu'on disait ça, ils méritent, ou c'est toi qui me le disais, ils méritent comme une tournée d'adieu, par exemple. Tu sais, je veux dire, moi, je ferais une autre année, faire le tour, tu sais, comme un bon joueur qui dit, moi, c'est ma dernière saison. Ça veut dire qu'il ne veut pas, c'est pas ça qu'il veut, lui. Il aime pas ça, hein? Il veut pas, hein? C'est ça. C'est ça. Bon, le match, les deux matchs, écoute, je pense que le meilleur week-end, on l'a eu la semaine passée. Et je m'attends pas à du Cincinnati Kansas City. Je pense que les Chiefs devraient l'emporter assez facilement. Les Chiefs ont l'expérience, ils sont chez eux à la maison, ils savent comment gagner. Les Bengals, c'est quelque part, ils sont jeunes, ils ont beaucoup à apprendre encore. Je m'attends à un match quand même très aérien. Je vais y aller avec les Chiefs assez facilement dans ce match-là. C'est un gros mot, mais ça peut être assez facilement s'il commence fort. Parce que si, après la première demi, c'est serré, souvenez-vous que, t'en souviens, le 2 janvier, là, une des dernières semaines, je pense que... Ils ont gagné, mais le match était à Cincinnati, je pense. Hein? Ouais, il y a ça. Mais ils sont venus en arrière. Mais je suis d'accord avec toi, mais si Kansas City, si les Bengals gardent ça serré jusqu'en première demi, ça risque d'être serré, mais moi aussi, je pense que les Chiefs devraient l'emporter. C'est très surprenant parce que je le dis encore, je pensais toujours les Chiefs et les Rams en début de saison, mais je ne m'attendais pas, pendant la saison, je ne m'entendais vraiment pas ces deux équipes-là. Là. Mais les Chiefs devraient l'emporter, puis je suis d'accord avec toi, un festival offensif. Les Bengals très jeunes. C'est de jouer avec Nixon. C'est pas on dit tout le temps que c'est un jeu aérien parce qu'évidemment, tu as Jamar Chase et Burrow. Par contre, c'est de jouer au sol le plus possible pour empêcher Mahomes d'être trop sur le terrain. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, comme on a dit, c'est une équipe jeune qui a vraiment réussi cette année. Très surprenant, Joe Burrow de revenir d'une grosse blessure de même, qui l'aurait cru, que Zach Taylor, un jeune coach aussi, donc une organisation qui a toujours eu de la difficulté. En tout cas, ils sont dans du temps de bonbons, comme on dit. Là. Je pense c'est vraiment que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. Hein. Exactement. Ils me font penser aux Cardinals un peu, là, tu sais, mais je pense qu'ils vont réussir pour les prochaines années. Là. Mais j'espère juste que si les Chiefs veulent l'emporter, qu'ils commencent en force, mais on revoit les Chiefs de là, une couple d'années là, en plein contrôle. C'est incroyable. Okay. C'est une belle équipe à voir. L'autre match, par exemple, va être beaucoup plus compliqué. Après dire, moi, je suis allé avec les Rams. Par contre, pas surpris du tout que les 49ers l'emportent. Là. 6 victoires, aucune défaite, les 49ers dans les 6 derniers matchs. C'est l'équipe. 7 victoires, leurs 9 derniers matchs, je pense, à la fin de la saison. C'est une équipe en mission. Jimmy G, écoute, j'en parlais avec Hugues Fauché. On a bien beau dire ce qu'on voudra de Jimmy G. Par contre, ça reste quand même l'un des... Quand tu regardes son ratio de victoire, il a le ratio de victoire. Là. Il te fait gagner, peu importe la façon. C'est incroyable, hein, Danny, parce que c'était une des questions qu'on entendait cette semaine. Je trouve qu'on manque de respect envers Jimmy G. Parce que, C'est vrai que... C'est pas Brett Favre, c'est pas Pat Mahomes, mais il fait gagner. Mais il arrive au bon moment. Ouais. Il exécute vraiment au bon moment quand c'est le temps que ça compte. Parce que c'est vrai que les deux derniers matchs, ça n'a pas été... Si on en regarde les 60 minutes, chaque match, ça n'a été pas fort. Là. Non. Mais il fait le bon jeu au bon moment. Puis il fait pas peur. Exactement. Puis j'ai hâte de voir ce match-là. Moi, je pense que ça va être à bas pointage. Ça va être très défensif. Je vais jouer des gars de tranchée, comme qu'on pourrait dire. Exactement. Puis San Francisco, je l'ai toujours dit, dans le sens qu'ils sont très physiques des deux côtés du ballon. C'est pour ça qu'ils sont là dans la course. J'ai hâte de voir ça. J'ai pris les Rams par un toucher, là, peut-être à la dernière minute ou le dernier jeu, parce que justement, ils sont allés quand même. Ils jouent du bon football dernièrement, les Rams aussi. Stafford est plus fort qu'on voyait avec Détroit. OBJ, Beckham Jr. se démarque. Il a de l'air à s'amuser aussi. Je pense que les Rams vont avoir juste un petit léger avantage là-dessus. Mais comme tu dis, ça peut être une des surprises, ça peut être celle-là. Là, en termes des Niners, c'est la sixième équipe. On dirait qu'ils ont le même parcours. À Los Angeles, les 49ers jouent. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que Los Angeles, San Francisco, c'est 3 heures de voiture. C'est pas loin. Hein. Sauf que Mais ils voyagent beaucoup, les fans. Hein. Ouais. J'ai entendu ce matin que le stade... 50-50. Il va y avoir 50% des fans des Niners, 50% des Rams. Mais là, c'est là qu'on voit quand même que Los Angeles est une bonne ville de football tant que ça. Quand tu dis que les Rams sont de la misère à avoir leurs fans, les Chargers, ça clique pas, mais ça semble pas cliquer. C'est une belle destination. C'est une belle destination pour voir ce sport-là. Ouais. Mais ça me fait penser à Arizona. Quand j'avais été à Arizona, il y a toujours un 50-50. Ouais. Parce que c'est une place où c'est une destination touristique. Puis, tu sais, les gens se disent « Hey, je vais passer un long week-end à Los Angeles. » Puis, on se tape un match là-dessus. C'est Los Angeles pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit « C'est une belle c'est une ville de football. » C'est une destination. Mais j'ai hâte de voir comment les Rams, s'ils peuvent... C'est pour ça aussi qu'ils veulent gagner au plus vite depuis qu'ils ont déménagé. C'est pour démontrer, pour essayer d'attirer un bassin de fans plus élevé que d'habitude. Tony Gouzo, on écoute ça, puis on se reparle vendredi prochain. Vendredi prochain, on fait une chronique, même s'il n'y a pas... Ça va être le Pro Bowl. Il va sûrement avoir de l'actualité quand même. Fait que exactement. On va faire une chronique quand même. Tony Gouzo, bon site internet, leblitznfl.com.